La délégation des joueurs olympiques de la République populaire démocratique de Corée a quitté le 26 Pyongyang par avion pour participer aux 31e Jeux olympiques prévus à Rio de Janeiro du Brésil.